بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في الحديث 84، ما زلنا في باب صفة الصلاة. On va entrer aujourd'hui dans le 84e hadith, toujours dans le chapitre la description de la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن مطرف ابن عبد الله ابن الصخير والشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc Mutarrif ibn Abdullah dit qu'il a fait la salat en compagnie de Imran ibn Hussein derrière Ali ibn Abi Talib. Et que Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il se prosternait, il faisait le takbir. Et lorsqu'il relevait sa tête, il faisait le takbir. Et lorsqu'il se relevait des deux rakats, c'est-à-dire au milieu de la salat, quand c'est une salat de 4 ou de 3, ce n'est pas précisé dans le hadith, au moment où il se relève après avoir fait le tashahhud, et il fait le takbir. Et lorsqu'il a fini toute sa salat, la salat a été accomplie, Imran a pris la main de Mutarrif et lui a dit, certes, Ali, dans le sens, m'a rappelé la salat de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Où il a dit, il a fait pour nous, il nous a fait la salat du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il a dit, Arawi, Mutarrif ibn Abdullah, ibn Mushakhir, al-Amiri, al-Basri. Donc le rapporteur indirect du hadith est Mutarrif ibn Abdullah, qui lui est un tabi'i, thika. Il a eu fadl, wa wara, wa akl, wa adab, wa kala fi taqrib, thika, abid, fadil, mata sanat, khamswa, tis'in. Donc c'est un homme qui était fiable, qui était de mérite, et qui avait de la retenue, et de la piété, et qui était très raisonnable, et qui était de bon comportement. Un tabi'i. Mais le rapporteur du hadith, c'est Imran al-Hussein. C'est lui, dans le sens, le sahabi qui a confirmé les actes de Ali, c'est Imran al-Hussein. Ibn Ubaidillah al-Jaza'i. Et on a déjà parlé de lui auparavant. Donc, Yaqul fi shar' al-Ijmali. Al-Shar' al-Ijmali ibn al-Hadith. Le sens global du hadith. يحكي مطرف ابن عبد الله هو أحد التابعين أنه صلى هو وعمران بن حسين أحد الصحابة رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب. Donc là, مطرف nous informe alors qu'il est un des tabi'in, c'est-à-dire la génération d'après les sahaba, ceux qui n'ont pas connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ont rencontré les sahaba, qu'il a fait la salat en compagnie de Imran bin Hussein, qui lui-même est un sahabi, par contre, derrière Ali. Derrière Ali, radi anhu. فكان يكبر في الصلاة حين يسجد. Donc Ali, lorsqu'il se prosternait, faisait le takbir. وحين يرفع رأسه من السجود. Et lorsqu'il relevait sa tête du sujoud. وحين يقوم من التشهد الأول. Et au moment où il se relevait du premier tashahhud. Il faisait le tashahhud. Et lorsqu'il se relevait, il faisait le takbir. وقد ترك كثير من الناس التكبير. التكبير في هذه المواضيع. Car beaucoup de gens avaient délaissé le takbir à ces moments-là, dans la salat. فلما فرغ من صلاته أخذ عمران ابن حسين بيد مطرف ابن عبد الله وأخبره بأن علي بن أبي طالب ذكره بصلاته هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث كان يكبر في هذه المواضيع. Et lorsqu'ils ont fini faire la salat, عمران ابن حسين a pris la main de مطرف et lui a informé que cette salat de Ali lui a rappelé la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Du fait que les gens, justement, contrairement à Ali, ne faisaient plus le takbir à ce moment-là. Donc c'est Ali qui a rappelé la vérité. Et la sunna. Yaqulu fawadi al-hadith, les enseignements utiles du hadith. Awalan mashru'iyat al-takbir hina al-sujud wa hina raf minhu wa hina al-qiyam min al-tashahud al-awwal. Le côté légiféré de faire le takbir au moment où on se prosterne, au moment où on se relève de la prosternation et au moment où on se relève du premier tashahhud. ثانيا مشروعية جهر الإمام بذلك ليتمكن المأموم من متابعته. Et qu'il côté légiféré de le faire à haute voix pour l'imam, le takbir le fait à haute voix, afin que celui qui est derrière lui puisse le suivre et sache où est-ce qu'il en est. ثالثا فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بملازمته السنة. Ce qui montre le mérite de Ali et son suivi de la, pour son suivi de la sunna très fidèle et son attache à la sunna. رابعا تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق. Et que celui qui applique la sunna également confirme, d'accord, confirme la vérité que l'effet de Ali était véridique et bien conforme à la sunna. Ça veut dire Ibn al-Hussein, celui qui connaît la sunna doit soutenir celui qui suit la sunna en la confirmant. هذا الذي فهمت من كلامه في هذه الفقرة. نعم. فبذلك قدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.